et ça va, ça vient. Je connais le nom des bateaux, prénom du capitaine. Il te refile en stéréo la chanson des sirènes. Il trafique un peu dans tous les ports, la marine est d'accord. Y'a aucun malaise dans sa combine, c'est une musique machine. Ça va, ça vient. Il s'habille comme un vendredi. Au vinceau est parti. Tu verras toujours bien dans sa peau quand il prend ce tempo. Il capture des bambous et ses numéros. Dans son île, on est fou comme on est musicien. Dans son île, on est fou comme on est musicien. Sur un de Jamaïque, il a des copains. Sur des bambous, Philippe Laville sur RGM. Il est presque 8h37. On fait un point sur tous ceux qui sont nés un 26 septembre 1945. Naissance d'Ariel Zetoun, réalisateur, producteur français qui a réalisé Souvenir, Souvenir, une femme très très très amoureuse. Yamakasi, producteur de Rien ne va plus, Le Grand Pardon, Souvenir, Souvenir, une femme très très très amoureuse, Bonne Didas ou encore Trois Amis. 1947, naissance de Philippe Laville, chanteur français. Et également naissance de Lynn Anderson, chanteuse américaine de musique country, connue pour son titre Rose Garden, dont on écoute tout de suite un petit extrait. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take your garden. Voilà pour l'extrait du titre Rose Garden de Lynn Anderson. On continue. 1948, naissance d'Olivia Newton-John, chanteuse britannique connue mondialement pour avoir joué le rôle de Sandy Olson dans le film culte Grease. 1956, naissance de Linda Hamilton, actrice américaine connue pour son rôle de Sarah Connor dans Terminator 1 et 2 et Terminator 6, sortie prévue l'année prochaine. Vue également dans Haute Trahison, Le Pic de Dante, la série télé dans le rôle de Marie-Elisabeth Bartowski alias Frost. 1962, naissance de Melissa Sue Anderson, actrice canado-américaine connue pour son rôle de Marine Gals dans la série télé La Petite Maison dans la Prairie. 1968, naissance de Jim Caviezel, acteur américain vu dans La Ligne Rouge dans le rôle du soldat Witt, La Passion du Christ dans le rôle de Jésus, dans Déjà Vu dans le rôle de Carol Orstad et dans la série télé Person of Interest dans le rôle de John Reed. 1969, naissance d'Anthony Cavana, acteur humoriste canadien, vu dans le film Agathe Cléry, les séries Fais pas ci, fais pas ça ou encore Nos chers voisins. 1980, naissance d'Aurélien Rougerie, ancien joueur de rugby français, ayant fait toute sa carrière au club de Clermont entre 1999 et 2018. 1981, naissance de Christina Milian, chanteuse et actrice américaine, vue dans Charm, Smallville, Les Experts ou encore Grand Fazard est connu pour le titre When You Look At Me, dont on écoute tout de suite un extrait. Voilà pour l'extrait hein, de When You Look At Me, interprété par Christina Milian. Et on va rester en 1981 avec la naissance de Serena Williams, joueuse de tennis américaine professionnelle depuis 1995. Elle a remporté 39 titres du Grand Chelem en simple et en double, soit 7 Open d'Australie, 3 Roland-Garros, 7 Wimbledon et 6 US Open en simple, 4 Open d'Australie, 2 Roland-Garros, 6 Wimbledon et 2 US Open en double dame avec sa sœur hein, Venus Williams, et un Wimbledon et un US Open en double mixte. Elle a été bien évidemment numéro 1 mondiale en simple pour la première fois en 2002, et en double, c'était en 2010 aux Jeux Olympiques. Elle compte une médaille d'or en simple remportée en 2012, et en double, elle compte 3 médailles d'or remportées en 2000, 2008 et 2012. Elle a remporté une Fed Cup également, c'était en 1999, ou encore 2 Hopman Cup en 2003 et 2008. 1985, naissance de Valérie Beg, Miss France 2008, qui a joué au théâtre, qui a été et encore animatrice télé, qui a co-animé par exemple La Roue de la Fortune avec Benjamin Castaldi. Elle a participé à Fort Boyard, Mot de Passe, Le Grand Concours, et depuis quelques temps maintenant, elle, on la voit dans l'émission hein, Tout le monde a son mot à dire, et apparu dans la série télé Seconde Chance. C'est également l'année de naissance de Cindy Fabre, qui fut Miss France 2005, troisième dauphine de Miss Europe 2005. Également naissance de M. Pokora, chanteur français qui fait une carrière à succès. Il a participé à la première saison de Danse avec les Stars, qu'il a d'ailleurs remporté. En 2016, il a été juré dans la troisième saison de The Voice Kids, qu'il a gagné en tant que coach de Manuela. Et en 2017, il gagnait The Voice la voix en tant que coach de Lisandro Cucci. Et là, il vit aux États-Unis hein, avec sa compagne Christina Milian d'ailleurs. 1987, naissance de Cyril Gauthier, cycliste sur route français, champion d'Europe sur route espoir en 2008. Également naissance de Clément Lefer, nageur français, champion olympique du relais 4x100 mètres nage libre en 2012. Hein, c'était lors des JO de Londres. Médaillé d'argent lors du relais 4x200 mètres au championnat du monde petit bassin. Il compte une médaille de bronze au championnat d'Europe grand bassin, une médaille d'or et une de bronze. 1988, naissance de Rémi Bonfils, joueur de rugby français, qui évolue pour le Stade français Paris depuis 2010. Également naissance de Marie-Amélie Le Fur, athlète handisport française, détentrice de 8 médailles lors des Jeux paralympiques, 2 médailles d'argent lors des JO de Pékin, 3 médailles lors des JO de Londres, une d'or, une d'argent et une de bronze, et 3 médailles, dont 2 d'or et une de bronze lors des JO de Rio. Et à ceci s'ajoutent 12 médailles mondiales, dont 4 titres de championne du monde. 1989, naissance de Nicolas Bézi, joueur de rugby français, qui de 2007 à 2012 a joué au Stade Toulousain, de 2012 à 2013 au Stade français, de 2013 à 2014 à Grenoble, de 2014 à 2018 à Brive, et depuis cette saison il joue pour le club de Provence Rugby. 1990, naissance de Michael Matthews, cycliste sur route australien, champion du monde sur route espoir 2010, champion d'Océanie sur route en 2009, champion du monde du contre-la-montre par équipe en 2017. Il a remporté le classement par points du Tour de France 2017. Il a remporté 8 étapes de Grand Tour, 3 sur le Tour de France, 3 sur le Tour d'Espagne et 2 sur le Tour d'Italie. En 46 avant Jésus-Christ, décédé Vercingétorix, chef Arvène. En 1983, décédé Tino Rossi, chanteur français connu pour le titre Petit Papa Noël. Alors certes, c'est dans 3 mois, mais on va éviter hein, de s'écouter Petit Papa Noël. Je vous ai choisi l'extrait du titre Marinella. Marinella reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Son rythme doux nous emporte bien loin de tout. Voilà pour l'extrait de Tino Rossi. En 2008, décédé Paul Newman, acteur américain vu dans La Chatte sur un toit brûlant dans le rôle de Brick Polite, Exodus dans le rôle d'Harry Ben Cannon, Lady L, Butch Cassidy et le Kid dans le rôle de Butch Cassidy, Buffalo Bill et les Indiens dans le rôle de William Cody alias Buffalo Bill, La Couleur de l'Argent dans le rôle de Fast Eddie Felsen, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur et vu également dans Une Bouteille à la Mer. Avant de marquer une pause musicale, on va passer aux sorties cinéma comme tous les mercredis. On commence avec Un peuple et son roi, drame de Pierre Scheler avec Gaspard Ulliel, Adèle Hanel et Olivier Gourmet. Autre film, La prophétie de l'horloge, un film fantastique d'Elirotte avec Owen Vaccaro, Jack Blake et Cate Blanchett. Autre film, I Feel Good, comédie de Benoît Delépine et Gustave Kervern avec Jean Dujardin, Yolande Moreau ou encore Joseph Dahan. Autre film, L'ombre d'Émilie, un thriller de Paul Feig avec Anna Kendrick, Blake Lively et Henry Golding. Autre film, The Little Stranger, drame fantastique, épouvante d'horreur de Lenny Abrahamson avec Domha Gleeson, Russ Wilson ou encore Charlotte Rampling. Et dernier film, Le vent tourne, drame de Bettina Oberli avec Mélanie Thierry, Pierre Deladonchamp et Nuno Lopez. Voilà pour les sorties ciné. On va tout de suite marquer une pause musicale. Olivia Newton-John, John Travolta, You Are the One That I Want. Olivia Newton-John et John Travolta sur le 107FM, presque 8h50, on fait un point météo. La météo. Belle journée ensoleillée aujourd'hui, des températures fraîches ce matin, elles sont comprises entre 2 et 3 degrés. Cet après-midi, elles seront comprises entre 18 et 20 degrés. Pour jeudi, belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 22 et 24 degrés prévues pour jeudi après-midi. Vendredi, belle journée ensoleillée également, des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 21 et 22 degrés prévues pour vendredi après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. En judo, hier au championnat du monde, malheureusement aucune médaille pour l'équipe de France. Côté dames, dans la catégorie des moins de 78 kilos, Audrey Tchemeo a été éliminée au troisième tour et Madeleine Malonga a échoué en repêchage. Elle qui aurait pu remporter la médaille de bronze, malheureusement aucune médaille côté féminin. Et côté messieurs, eh bien, les Français Alexandre Idir et Cyril Marais ont été eux éliminés au second tour. En basket, championnat du monde, l'équipe de France féminine s'est inclinée hier soir 60 à 71 face au Canada. L'équipe de France devra passer par un match de barrage. Ce sera contre la Turquie et ce sera ce soir. En National 1, défaite du Jet Vosges 65 à 67 face à l'équipe de Furs. Et en Pro B, en Leaders Cup, Nancy s'est imposée 87 à 77 face à Grisoberhofen. Un mot de tennis avec le tournoi de Chengdu et hier l'élimination de Monfils en 3-7 face à Harris. 3-6, 6-2, 6-1. Manarino affrontera aujourd'hui Jaziri. À Shenzhen, aujourd'hui Herbert affrontera Tsitsipas. À Wuhan, a noté l'élimination de Caroline Garcia en 3-7 face à Siniakova. 3-6, 7-6, 7-6. Et outre cette élimination, la Française va perdre beaucoup de place au classement WTA. Il n'y a plus de Française dans ce tournoi. Et à Tashkent, aujourd'hui, Ferro affrontera Kozlova. Et on termine avec du football en Ligue 1. Angers s'est imposé hier soir 1-0 à Monaco. Nice s'est imposé 2-1 à Nantes. Et Saint-Etienne s'est imposé 3-2 sur la pelouse de Toulouse. Ce soir, Amiens reçoit Rennes, Bordeaux, Lille, Caen, Montpellier, Dijon, Lyon, Marseille, Strasbourg, Nîmes, Guingamp et PSG Reims. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec M. Pokora et le titre On danse. Pour tout ce qu'on n'a pas su faire, pour tous ces retours en arrière et toutes ces routines achevées. Et celles qu'on ne reprendra jamais. Toutes ces épreuves et ces jours maudits qui font comprendre qu'on n'a qu'une seule vie. On danse, on danse. Chaque jour qui se lève est un jour de chance. On danse, on danse. On danse comme si c'était notre dernière chance. On a pu regretter à ceux qu'on n'a pas su aimer, à toutes ces fois où l'on déraille, aux traces qui nous suivent où qu'on aille, jusqu'aux épreuves, aux jours maudits qui font comprendre qu'on n'a qu'une seule vie. On danse. Je veux nous voir danser et encore nous voir danser.